Et maintenant, c'est l'invité explosif. Et notre invité, c'est monsieur Max Bird. Max Bird qui vient nous parler de son one-man show qui s'appelle, parce que faut le prononcer, L'encyclo-spectacle. C'est pas mal comme titre déjà. Ah, ça fait ça. Et tu joues également au théâtre du gymnase avec les frères Bogdanov. Tout à fait, dans Big Bang. Alors comment c'est arrivé cette histoire de monsieur Bogdanov? Eh bien en fait tout simplement parce que le directeur de casting de la pièce donc cherchait des comédiens pour faire les acteurs qui vont jouer et donner la réplique au Bogdanov. Et un des rôles à pourvoir, un des trois rôles des physiciens astronomiques qui devait pourvoir, un des trois rôles, c'était un grand maigre blafard avec des lunettes cerclées. Ah oui, et ça parlait de dinosaures. Voilà, il s'est dit, bon ben je le connais, il existe. Et il avait vu mon spectacle et donc on m'a contacté, j'ai fait passer les essais et puis ils ont dit, bah oui... Vendu. Surtout, Vendu. Ils se sont dit, bon, on nous a. C'était pour Thibaut, celui-là. Surtout, ils ont dit, bah, on nous a prévenu que vous faisiez une imitation de dinosaures. Et comme à un moment, ils parlent justement de ce que seraient éventuellement devenus les dinosaures s'il n'y avait pas eu la météorite, tout ça, j'ai fait l'imitation de dinosaures en audition. Et puis, ils se sont dit, ouais, c'est vrai que ça pourrait rajouter un truc au spectacle si à un moment, il y a un dinosaure qui traverse la scène. Et donc, voilà comment les choses se sont passées. Alors, explique-nous pour les auditeurs, tu imites quel dinosaure? Ben, il y a un peu beaucoup, j'en fais plein, mais j'ai une tendance particulière pour le Vélociraptor. Oui. Et quand même le voilà. Et à la radio, ça se fait pas, ça. Ah, c'est plus difficile, mais bon. Ouais. Oh. Voilà. Voilà, ça c'est pour le côté bruitage. Si vous voulez voir, c'est plus impressionnant quand je cours, mais là je peux pas vraiment courir. Mais pas la place. Mais si voilà, si vous voulez voir l'image en même temps que le son, soit vous venez voir, ouais, vous pouvez voir au gymnase, ou alors dans mon one man show que je vais tourner là dans toute la France. Donc n'hésitez pas si vous passez à Lyon ou à Avignon ou à Toulouse. Tu seras à Avignon cet été. Voilà, Avignon cet été. Je vais faire un mois à Lyon en mai. Dac, où ça? Au Tonton Flingueur. Ah oui, oh, donc voilà, n'hésitez pas. Ça doit plaire à Gilles, ça. Ouais, tout à fait. Ouais. Ça donne envie d'y aller. Ouais, donc voilà, n'hésitez pas à venir découvrir l'encyclopestacle. Et au gymnase, c'est quand? Au gymnase, c'est tous les jeudis, vendredis, samedi et dimanche. Ah, wow. Jusqu'à après, là, tu pars au théâtre après, là. Ouais, là, je bouge juste après. Ouais. Ah là, et. Ils c'est fou, ça. Ouais. Tu vas à vol d'oiseau, c'est vrai. Merci, mais ça n'arrête pas. Mais ça n'arrête pas. Merci Max. Mais merci à vous. Merci.